8. Ah, vous avez dû voir quelque chose qui m'avait échappé jusque-là. J'étais persuadé qu'ils étaient 7. Vous êtes sûr?